Et mon fils? Me voilà. Je m'appelle Paul. Je suis français. J'ai 16 ans. Je suis lycéen. À bientôt. Je vous présente nos amis. Voilà Guy. Bonjour. Je m'appelle Guy Martin. Je suis français, moi aussi. J'ai 28 ans. J'ai une agence de publicité. À tout à l'heure. Et voilà Marie-Claire. Moi, j'ai 17 ans. Je suis la sœur de Guy. Je suis lycéenne. Au revoir. À bientôt. Et voilà. Au revoir. À bientôt.